les Vosges, samedi. Ça lui dit à Hélène Ingret, qui vous livre ses bons plans vosgiens. Ça vous dira aussi à vous, auditeurs des Vosges, samedi, le samedi sur Radio Caraïbes Nancy, 90.7 FM, sur les Grands Nancy, et de 13h à 13h30, et lors de la rediffusion, le dimanche à 6h. Et sur Radio Gemozo, le samedi à 8h30, au 107 FM sur les Grands Remiremont. Bonjour auditrices et auditeurs des Vosges, samedi, deuxième quinzaine du mois de juin. Oui, parce qu'en fait, dans cette deuxième quinzaine du mois de juin, vous allez pouvoir vous faire votre programmation pour l'été. Et oui, cette émission première diffusion, c'est toujours à la date de la première diffusion que nous pouvons retrouver notre émission en podcast sur les différents sites de ces deux magnifiques radios associatives que sont Radio Caraïbes Nancy sur Nancy et Radio Gemozo sur le Grand Remiremont. Et puis, bien sûr, si vous êtes à travers la galaxie, vous pouvez retrouver notre émission sur ces sites. Mais à la date du 15 juin, puisqu'effectivement, c'est toujours la date de la première diffusion que vous pouvez écouter cette émission qui sera, bien entendu, rediffusé au fil de cet été 2019, tout simplement parce qu'on va parler de la saison théâtrale de un des deux théâtres incontournables sur les Vosges et sur plus particulièrement sur les Hauts-de-Vosges. Alors bien sûr, vous pensez Théâtre du Peuple de Buisson, mais nous consacrerons également une Vosges samedi à cette programmation estivale du Théâtre du Peuple à Buisson. Comme nous proposons aussi, tous les étés, une émission spéciale des Vosges samedi pour la programmation du Théâtre de Verdure, du fameux Plateau Ivre qui se trouve, donc cette association du Plateau Ivre, qui se trouve donc sur Vanier, vallée de la Haute-Moselotte. Alors c'est bien parce qu'on dessert comme ça les deux vallées que nous affectionnons particulièrement, puisque tout simplement elles sont accessibles avec les transports en commun, même si vous n'êtes pas motorisé, puisque tant Buisson que Vanier est accessible avec les transports en commun, venant notamment du sillon lorrain. Et oui, il suffit de prendre le train à Nancy. Ce train va jusqu'à Remiremont, c'est le terminus. Si vous vous sentez d'attaque, eh bien, vous pouvez aller sur les deux voies vertes qui desservent ces deux vallées. Donc, la vallée de la Haute-Moselle et la voie verte se termine donc à Buisson. Sinon, eh bien, la vallée de la Haute-Moselotte, eh bien, elle se termine, cette voie verte, à Cornimont. Mais nous nous arrêterons juste deux villages après Remiremont, à savoir à Vanier. Alors, quand je dis deux villages, Saint-Étienne-les-Remiremont, ça colle Remiremont, hein, là où se trouve notre radio Gemozo. Et puis, également, vous avez ensuite Saint-Amé, et ensuite, vous avez Vanier. Hein, c'est à Saint-Amé qu'il y a une route qui va directe sur Gérardmer, et sinon, la route va directe sur la Bresse, en suivant donc la Moselotte. Et cette fameuse voie verte continue sur la Moselotte jusqu'à Cornimont. À l'époque, c'était le terminus du train. Il y avait un bus qui faisait Cornimont, la Bresse. Hein, la voie ferrée n'a jamais été poursuivie jusqu'à la Bresse. Et nous, nous nous arrêterons à Vanier, parce qu'à Vanier, il y a le Théâtre de Verdure, un magnifique lieu qui est quasi, je dis quasi au centre, hein, bon kilomètre du centre de Vanier. C'est un peu comme un cirque romain, mais il est vosgien. Oui, il y a des gradins, mais des gradins de verdure. Et puis également, donc, il y a surtout cette prestation théâtrale qui est proposée tous les ans par l'association donc du Plateau Ivre. Prestation théâtrale, mais pas que, il y a également de la musique, enfin de tout cela. Nous le saurons davantage après une pause musicale de Jacques Simard qui nous interprète intermittent. Jacques Simard qui se produira pendant l'été au l'Estaminet. Je vous en parlerai en fin d'émission. C'est aussi un bon rendez-vous pour terminer ce week-end, tous les dimanches en fin d'après-midi. Au cœur même de Vanier, il y a l'Estaminet qui propose des barbecues. Bon, ça, on les paye, bien sûr, mais concert, ça, c'est gratuit. Et justement, à l'occasion de ces rendez-vous, donc de fin d'après-midi de dimanche jusqu'à à peu près 21h, 22h, eh bien, Jacques Simard se produira à l'occasion d'un de ces dimanches. Allez, Jacques Simard, intermittent. Je m'appelle Jacques Simard et je suis intermittent du spectacle. J'essaie de mettre les mots en vers et puis ces vers au bon endroit. Enfin j'accorde mes cordes, je mélange mes doigts et ma voix. Je relis les gares sur les rails et je m'éraille sans crier gare pour mettre mes mots dans les oreilles, puis de l'oseille dans mon chapeau. Je lutte et je redouble d'efforts pour trouver des dates. Je préfère nager en eau trouble plutôt que de vivre dans des boîtes. Je suis chanteur, intermittent, chômeur, intermittent, branleur aux yeux des gens. Mes rêveurs permanents. Je veux pas et je redoute m'endormir sur une autoroute. Alors pour tuer l'ennui, je prends les petits chemins, les raccourcis. Je cours après les cachets qui sont parfois des placebos. Je chante aussi pour cacher tout ce vide entre mes os. Tout ce vide entre mes os. Fin de mois, je m'actualise sur le site du Pôle emploi. Je cumule et je cotise, je chante aussi pour l'État. Je cumule et je cotise, je chante aussi pour l'État. En tant que chanteur, intermittent. En tant que chômeur, intermittent. En tant que branleur, aux yeux des gens. Mais je suis rêveur, permanent. Chanteur, intermittent. Chômeur, intermittent. Prends-leur aux yeux des gens, mes rêveurs permanents. Puisque la routine embobine et que le train-train nous étreint, je veux que les saisons m'assaisonnent autant que la vie m'étonne. J'ai choisi la vie précaire et puis la folie des grandeurs. Je préfère l'amour au salaire et la liberté dans le cœur. Mon corps de métier, moi, c'est de vous changer les idées. Comme disait Jojo, je suis un artisan des mots. Alors l'avenir incertain, mais l'ego certain, j'envoie mon monde valser à durée indéterminée. Alors l'avenir incertain, mais l'ego certain, j'envoie mon monde valser à durée indéterminée. Alors l'avenir incertain, mais l'ego sûr et certain, j'envoie mon monde chanter à durée indéterminée. J'envoie mon monde chanter à durée indéterminée. J'envoie mon monde chanter à durée indéterminée. Je suis chanteur, intermittent, chômeur, intermittent, branleur aux yeux des gens, mes rêveurs permanents. Alors les applaudissements, c'est pour Jacques Simard et les applaudissements, ben, ce sera très très souvent à l'occasion des prestations au Théâtre de Verdure cet été 2019. Et nous avons Morgane, donc Morgane Demont pour nous en parler. Bonjour Morgane. Bonjour, bonjour Hélène. Alors voilà, donc pour savoir pour nos auditeurs des Vauchamdis qui nous écoutent donc sur Nancy, Radio Caraïbes Nancy, 90.7, qui nous écoutent sur le 107 FM Radio Gamouzeau, eh bien ils sauront tout, on va dire presque tout, parce qu'il y a toujours des petites pochettes surprises en plus. Mais les grandes lignes de cette saison 2019 au Théâtre de Verdure à Vanier. Déjà, les dates, à partir de quand ça commence et jusqu'à quand? Alors, les dates, donc le Théâtre de Verdure ouvrira le 22 juillet et se fermera le 30 août. Voilà, donc du 22 juillet au 30 août à Vanier. Voilà. Ouais. Alors, au 30 août à Vanier, et ça se passe plus particulièrement, on va dire, en fin de semaine, ou il y a des choses qui se passent aussi à d'autres moments? Alors, ça se passe en fin de semaine, mais il y a également donc des choses qui se passent en semaine, notamment les stages, parce qu'au Théâtre de Verdure, on propose de nombreux stages. Cette année, on a un stage d'écriture, un stage de théâtre pour enfants, adolescents et adultes, et aussi un stage de clown, voilà. Toutes les informations, si vous voulez les retrouver, sont sur le site www.leplateauivre.com. Voilà. Donc, en fait, il y a encore des places, puisque au moment où on va diffuser, la première diffusion sera le 15 juin, il y a encore des places pour ces stages, mais au fil des semaines, ça va se remplir, je suppose. Tout à fait, oui. Là, ça se remplit déjà pas mal, mais il en restera sûrement le 15 juin. Je pense, oui, je pense qu'il en restera. Voilà. Mais effectivement, ne tardez pas à réserver ou à s'inscrire au stage, parce qu'effectivement, ça se remplit assez vite. Alors, sinon, le clou de cette saison, ce sont les prestations en direction de tout public. Hein, c'est également, bah, sauf peut-être des bébés de 6 mois et encore, s'ils supportent entre deux biberons, pourquoi pas. Pourquoi pas, tout à fait. Oui, c'est vrai que la programmation du Théâtre de Verdure souhaite vraiment être tout public. Alors, il y a certains spectacles qui ont un âge limite, mais effectivement, il y a beaucoup de spectacles qui sont programmés pour les familles, justement. Voilà. Peut-être vous dire que cette année, c'est une année particulière, vu qu'on fête les 15 années du Théâtre de Verdure. Voilà. Donc, ça va être vraiment une saison festive pour toutes les dates. Voilà. Avec la date du 17 août, on fêtera vraiment l'anniversaire du Théâtre de Verdure. Voilà. Alors justement, cette saison commence avec quelle programmation? Vous nous les dites un peu succinctement, hein, parce que cette émission sera rediffusée à d'autres moments, et c'est vrai que ça permet aussi de savoir quel type de prestation a lieu à telle date, on va dire. Bien sûr, oui, bien sûr. Alors, déjà dire que le vendredi 2 août, il y aura la restitution de fin de stage qui se fera à 20h, qui est un événement donc gratuit, et donc effectivement c'est quelque part le premier événement. Mais l'ouverture de la saison se fera réellement le samedi 3 août, avec une ouverture en compagnie du collectif Le Grand Fer Bleu, qui viendra nous proposer une pièce de théâtre qui s'appelle Non, c'est pas ça. Et qui nous proposera également, avec l'artiste Gabriel Tour, un concert pour clôturer cette soirée. Donc ça sera le samedi 3 août, et le théâtre ouvrira ses portes à partir de 19h. 19h. Voilà. Ouais. Et la date suivante? Alors, la soirée suivante sera en fait le week-end du 9 et 10 août. Le vendredi 9 août, on partira en décentralisation avec une déambulation de la compagnie Aucune dans les villes de La Bresse, Gérardmer et Devalier. La compagnie Aucune restera encore pour le week-end avec la journée du samedi 10 août. On va faire une grande journée sur le souvenir avec au programme des tables rondes, un laboratoire du souvenir, et pour finir la soirée, le spectacle Pilou Carmin, donc toujours de la compagnie Aucune, sur le souvenir et aussi sur l'histoire qui nous est racontée avec humour et tendresse, et l'histoire notamment d'un soldat qui s'appelle notamment Pilou Carmin. Voilà. Donc en fait, le 10 août, pour les personnes qui ne seraient pas disponibles pour la déambulation en journée, ils peuvent se rendre donc à partir de quelle heure pour cette soirée Alors c'est une journée au final qui commence même en après-midi. Le théâtre de Verdure ouvrira ses portes à 16h le samedi 10 août. Voilà. D'accord. Et donc ensuite, il y a le spectacle vers quelle heure, donc avec ce spectacle, avec ce soldat, enfin cette histoire du soldat. Oui, ça sera à 20h30, le spectacle Pilou Carmin. Voilà, donc éventuellement des personnes peuvent venir que pour le spectacle s'ils le souhaitent. Oui, c'est possible. Mmh. Oui, tout à fait. À savoir que la table ronde et le laboratoire du souvenir sont des événements qui sont gratuits et tout public. Voilà, et le spectacle à 20h30, Pilou Carmin. Voilà. Et ensuite, on arrive sur justement ce fameux week-end, ce fameux 17 août, là, qui marque ses 15e anniversaire avec les bougies et les gâteaux, je suppose. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Donc effectivement, la journée du 17 août sera vraiment complète. Elle commencera, donc le Théâtre de Verdure ouvrira ses portes à 15h et ce sera vraiment l'occasion de revivre au final des moments du Théâtre de Verdure, voilà, de ces 15 années, et aussi d'aller dans des souvenirs donc et du Théâtre de Verdure, mais aussi finalement plus universels. Au programme, on a une balade des 15 ans qui est proposée par la compagnie Le Plateau Ivre avec un parcours sensoriel et avec donc effectivement cette aventure au sein des souvenirs de la compagnie Le Plateau Ivre et du Théâtre de Verdure. Il y aura également le spectacle Première fois qui est proposé par la compagnie Logos, où on invite les spectateurs à venir replonger dans ces souvenirs de première fois. Ensuite, jeux d'hiver, festifs, casse-croûte et la compagnie La Chose Publique nous propose à la fois un bal avec la chose sans bal et aussi un concert qui s'appelle Les Petits Culs. Voilà, donc vraiment une fin de soirée festive et musicale. Voilà. Alors, et comme c'est un peu le côté les petits plats dans les grands, il y a certainement peut-être un repas qui est proposé. Enfin, disons, on peut peut-être s'inscrire pour ce fameux jour. Alors, combien ça coûte? Parce que c'est une soirée un peu exceptionnelle par rapport aux autres. Nous parlerons à la fin des autres tarifs, mais là, ce sont des journées un peu exceptionnelles. Oui, complètement. Alors, cette journée est assez exceptionnelle. Et effectivement, il y aura une pause casse-croûte. Donc, je reprends, mais donc effectivement, pour la soirée d'ouverture, la journée anniversaire et la journée de clôture, il est vraiment préférable de réserver. Pour cette journée anniversaire, effectivement, on aura un repas qui est donc inclus au tarif de la journée. Et donc, tarif plein, on arrive à 25€ et on aura au programme un méchu, des grillades et des falafels. Et aussi le gâteau d'anniversaire, évidemment. Voilà. Donc, bien sûr, s'inscrire. On va tout de suite donner peut-être, vous avez déjà donné le site, mais peut-être un numéro de téléphone qu'on rappellera par ailleurs. Bien sûr. Alors, les réservations, elles sont conseillées par SMS et c'est au 06 75 96 40 78. Voilà. Alors, ensuite, on continue notre fameux mois d'août. On arrive donc sur, j'ai le calendrier sous les yeux, on arrive dans le week-end qui précède la fin, on va dire, on arrive donc le samedi 24 août. Alors, il y a même un vendredi 23 août avant le samedi 24 août. Très bien. On a prévu un week-end assez chargé avec donc le vendredi 23 août où nous irons sur la Lune avec pour débuter le spectacle Les Mystères de la Lune de la compagnie Collapsar, pardon, qui nous emmènera, fêter ses 50 ans, un mois et deux jours du premier pas sur la Lune. Nous aurons également le spectacle Moonwalk One qui est proposé par la compagnie 0G. Voilà, donc ce vendredi 23 août, direction la Lune. Pour le samedi 24 août, là nous avons la compagnie Brugnac qui vient nous proposer différents spectacles. Le premier est celui un second souffle, voilà. Ensuite, nous avons des impromptus improbables à la buvette et la soirée se terminera avec le spectacle Peter Pampan. Peter. C'est une sorte de... Oui, Peter Pampan. Et donc, cette fin de saison a lieu donc le week-end suivant. Donc le 30 le vendredi 30 août. Le vendredi 30 août. Tout à fait. Alors là, une thématique encore se tisse avec cette fois-ci au centre des spectacles l'objet qui est parfois perdu, parfois trouvé, et on vient le célébrer pour cette clôture. Pour commencer avec le spectacle Service des objets perdus de la compagnie Astro Tapir. Ensuite, nous avons un casse-croûte et nous arrivons au spectacle Loin et si proche proposé par la compagnie des escargots ailés, toujours avec cette thématique des objets perdus. Et pour clôturer toute cette saison, nous avons un concert. Le concert s'appelle Yaourt, qui est un concert beatbox. Voilà, où on va vraiment, encore une fois, se retrouver dans une ambiance festive. Voilà. Alors donc, également pour ce vendredi 30 août, le tarif avec le repas, avec l'ensemble, en conseillant de réserver, oui. Et donc également de 25 euros. Non, fois-ci, il est de 20 euros. 20 euros. Voilà. Et il n'y aura pas le gâteau d'anniversaire, c'est pour ça. C'est 20, ça. 20 euros. En revanche, pour toutes les autres prestations théâtrales, hormis un certain nombre qui sont gratuites, hein, comme vous avez dit, donc le tarif est de combien à combien? Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir un pass? Parce que la saison étant très diversifiée, eh bien, on peut aller plusieurs fois, on ne verra pas la même chose. Quels sont les tarifs avant de nous quitter? Tout à fait. Alors, on a le pass saison. Le pass saison tarif plein est à 35 euros et pour tarif réduit à 25 euros, il permet un accès à tous les spectacles et avec un tout petit supplément pour les soirées, notamment la soirée de clôture, la journée anniversaire. Voilà. Pour ce qui est des autres spectacles, nous proposons le tarif de 10 euros en tarif plein et 8 euros en tarif réduit. Le tarif réduit concerne les demandeurs d'emploi, les étudiants et les personnes âgées de moins de 25 ans. Voilà. Et pour les enfants qui accompagnent, il y a une gratuité. Comment ça se passe et c'est jusqu'à quel âge? Alors, nous proposons pour les enfants, nous acceptons les chèques spectacles et culturels ZAP, voilà, pour ceux qui en ont. Et ensuite, pour les enfants, s'ils ont moins de 25 ans, alors on leur fait le tarif réduit de 8 euros. Voilà. Eh bien, avec toutes ces informations, on va pouvoir se concocter un bel été à Vanier. Et puis, surtout, Morgane, on te remercie. On vous remercie tous au Plateau Ivre aussi, à la compagnie du Plateau Ivre qui se trouve au Théâtre de Verdure. Et ça, c'est très bien fléché quand on s'y rend. Merci beaucoup, Hélène. Merci. Merci à toi. Au revoir. Au revoir. Elle descend de la montagne à cheval. Elle descend de la montagne. Descend de la montagne. Descend de la montagne à cheval. C'est gagnant, il y a plus de filles. C'est gagnant, il y a plus de filles. C'est gagnant, il y a plus de filles. Y a plus de filles. Oui. Oui, c'est les Kéo Tribot hein, qui nous interprètent. Elles descendent de la montagne. Oui, parce qu'en fait, le théâtre de Verdure, il y a donc ça a quelques centaines, on va dire un petit kilomètre du cœur de nos vanniers. Il y a un parking en bas d'un chemin qui monte justement sur une montagne. Alors une montagne, c'est plutôt une colline. Mais enfin, vous venez avec des tennis hein, ou des chaussures plates. Hein, venez pas avec des talons hauts de 6 cm ou de 10 parce que c'est un peu caillouteux, mais c'est éclairé la nuit quand on repart, c'est très bien. Mais enfin, c'est un peu rustique. Hein, donc, aussi, si c'est le soir, la forêt emmagasine un peu de fraîcheur. Donc, n'hésitez pas à vous munir d'une petite laine. Hein, c'est, même si pour vos fesses, on vous donnera des carrés de moquette pour que vous ne soyez pas humidifié par le fondement. Allez, alors on va se quitter, bien entendu, avec notre générique de fin qui est une parodie que La Montagne est belle avec Dominique Walter, sans oublier auparavant de vous dire que, bien sûr, je vous ai dit que le train arrivait jusqu'à Remiremont, qu'ensuite vous pouviez y aller à vélo sur la Voie Verte, mais vous pouvez surtout prendre le bus qui dessert toute cette vallée de la Haute-Moselotte jusqu'à la Bresse, avec les tarifs SNCF, avec les promotions, notamment quand c'est les week-ends, quand on est en mini-groupe, il y a des tas de tarifs promotionnels pour promouvoir justement ces moyens de locomotion qui sont particulièrement non polluants. Et puis, si vous voulez jouer les prolongations, passer 2-3 jours ou même une nuit, eh bien, à Vanier même, il y a donc un camping. Il y en a également à Saulsur, à côté de la base de loisirs avec ce plan d'eau. Et puis, mais surtout à Vanier, il y a donc un camping. Et vous pouvez, si vous jouez les prolongations à l'Estaminet, où il y a donc barbecue, concert en fin de dimanche après-midi, eh bien, si vous avez fait sans trop de modération, vous pouvez vous rendre à ce camping à pied sans problème, également un kilomètre, on va dire, du cœur de Vanier. Allez, eh bien, bon été 2019 dans cette vallée de la Haute-Moselotte au plateau, avec la compagnie du plateau ivre, au théâtre de Verdure, compagnie dont je rappelle le numéro de téléphone 06 75 96 40 78. 06 75 96 40 78. Merci à Joël pour la mise en onde de cette émission et merci à Lia pour relayer cette émission sur RGM. À bientôt dans cet été 2019. Bon, allez, les Vosgiennes maintenant. Ils viennent de Saint-Dié, de la Bresse ou de Gérardmer, les excités de la montagne. Le froid n'est pas près de les congeler, à la Mirabelle ils se sont damnés, c'est leur carburant vital. Pourtant, on n'en fera pas des centenaires, car quand ils grimpent sur mes mers, ils assurent comme des malades. Et y'a que le soir après le boulot, le brame du Vosgien fait de l'écho pour le plus grand plaisir des dames. Pourtant, que les Vosgiennes sont belles, comment ne pas être excité quand tombe culotte et jartelle. Et tous les moineaux se mettent à chanter. Après 5 jours de labeur, le bon Vosgien se met en cœur pour une bringue infernale. Alors on sort le vin de groseille, maman se met le vernis aux orteils et papa son caleçon de bal. Et puis, dans la soirée bien avancée, le caleçon tombe sur le plancher. Le Vosgien est de fort bonne race. Et puis, mesdames, vous vous remuez, et tout le bazar est animé. Ça élimine la matière grasse. Être excité quand on me cure. des jardelles, tous les moineaux se mettent à chanter. Le dimanche arrive à grands pas, après la bouffe, la gueule de bois, il faut éliminer les scories. Alors on va écouter le brame du cerf, car dans la soirée de toute manière, ça peut redonner des envies. Alors on coince maman derrière le tas de bois, et quand elle a fait pipi pourra, on a droit encore à une partie. Mais la tête ne commande plus les pieds, on a l'intestin fort déréglé quand on a bouffé trop de lentilles.